Deuxième livre de Samuel, chapitre 17. Après cela Achitophel dit à Absalom, « Je choisirai maintenant 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit. Et je me jetterai sur lui, il est fatigué, et ses mains sont affaiblies, et je l'épouvanterai, tellement que tout le peuple qui est avec lui, s'enfuira, et je frapperai le roi seulement. Et je ferai que tout le peuple retournera à toi, car l'homme que tu cherches vaut autant que si tous retournaient à toi, ainsi tout le peuple sera sain et sauf. » Cet avis fut trouvé bon par Absalom, et par tous les anciens d'Israël. Mais Absalom dit, « Qu'on appelle maintenant aussi Cusaï Archite, et que nous entendions aussi son avis. » Or quand Cusaï fut venu vers Absalom, Absalom lui dit, « Achitophel a donné un tel avis, ferons-nous ce qu'il a dit, ou non ? Parle, toi. » Alors Cusaï dit à Absalom, « Le conseil qu'Achitophel a donné maintenant, n'est pas bon. » Cusaï dit encore, « Tu connais ton père et ses gens, que ce sont des gens forts, et qui ont le cœur outré, comme une ours des champs à qui on a pris ses petits, et ton père est un homme de guerre, qui ne passera point la nuit avec le peuple. Voici, il est maintenant caché dans quelque fosse, ou dans quelque autre lieu, s'il arrive qu'au commencement on soit battu par eux, quiconque en entendra parler, l'ayant su, dira, le peuple qui suit Absalom a été défait. Alors le plus vaillant, celui-là même qui avait le cœur comme un lion, se fondra, car tout Israël sait que ton père est un homme de cœur, et que ceux qui sont avec lui sont vaillants. Mais je suis d'avis qu'en diligence, on assemble vers toi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Séba, lequel sera en grand nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et que toi-même en personne marche en bataille. Alors nous viendrons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous nous jetterons sur lui, comme la rose tombe sur la terre, et il ne lui restera aucun de tous les hommes qui sont avec lui. Que s'il se retire en quelque ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville-là, et nous la traînerons jusque dans le torrent, en sorte qu'il ne s'en trouvera pas même une petite pierre. » Alors Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, « Le conseil de Cusaï Archite est meilleur que le conseil d'Achitophel, car l'Éternel avait décrété que le conseil d'Achitophel, qui était le plus utile pour Absalom, fut dissipé, afin de faire venir le mal sur Absalom. » Alors Cusaï dit aux sacrificateurs Tsado et Abiatar, « Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom, et aux anciens d'Israël, mais moi j'ai donné tel et tel conseil. Maintenant donc envoyez en diligence, et faites savoir à David, et lui dites, ne demeure point cette nuit dans les campagnes du désert, et même ne manque point de passer plus avant, de peur que le roi ne soit englouti, et tout le peuple aussi qui est avec lui. » Or Jonathan et Ahimaas se tenaient près de la fontaine de Roguel, parce qu'ils n'osaient pas se montrer, lorsqu'ils venaient dans la ville, et une servante leur alla rapporter le tout, afin qu'ils s'en allassent, et le rapportent à ce roi David. Mais un garçon les aperçut, qui le rapporta à Absalom, et ils marchèrent tous deux en diligence et vinrent à Bahurim, en la maison d'un homme qui avait en sa cour un puits, dans lequel ils descendirent. Et la femme de cet homme prit une couverture, et l'étendit sur l'ouverture du puits, et répandit sur elle du grain pilé, et la chose ne fut point découverte. Car les serviteurs d'Absalom vinrent vers cette femme jusque dans la maison, et lui dirent, « Où sont Ahima et Jonathan ?» Et la femme leur répondit, « Ils ont passé le gué de l'eau. » Les ayant donc cherchés, et ne les ayant point trouvés, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Et après qu'ils s'en furent allés, Ahima et Jonathan remontèrent du puits, et s'en allèrent, et firent leur rapport au roi David, en lui disant, « Levez-vous, et passez l'eau en diligence, car Achitophel a donné un tel conseil contre vous. » Alors David se leva, et tout le peuple qui était avec lui, et ils passèrent le Jourdain jusqu'au point du jour, il n'y en eut pas un qui ne passa le Jourdain. Or Achitophel voyant qu'on n'avait point fait ce qu'il avait conseillé, fit seller son âne, et se leva, et s'en alla en sa maison, dans sa ville, et après qu'il eut disposé des affaires de sa maison, il s'étrangla, et mourut, et il fut enseveli au sépulcre de son père. Et David s'en vint à Mahanagim, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous ceux d'Israël qui étaient avec lui. Et Absalom établit Amasa sur l'armée, en la place de Joab. Or Amasa était fils d'un homme nommé Jitra, israélite, qui était entré vers Abigail fille de Naa, sœur de Tseruja, la mère de Joab. Et Israël avec Absalom, se campa au pays de Galaar. Or il arriva qu'aussitôt que David fut arrivé à Mahanajim, Sobi fils de Naad de Rabba, laquelle avait été aux enfants de Ammon, et Makir fils de Amiel de Lodebar, et Barziaï Galaadite de Rogbim, amenèrent des lits, des bassins, des vaisseaux de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, et des grains rôtis, du miel, du beurre, des brebis, et des fromages de vache, ils les amenèrent, dis-je, à David, et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils en mangeassent, car ils disaient, ce peuple est affamé, et il est là, et il a soif dans ce désert.